Opinard. Salut, donnez-moi un héros tout près de son bar. C'est ta gloire dans années. Grand fort, il est pas mort, car il vit encore.